Le programme de stabilité électronique analyse la vitesse de rotation des roues, l'angle du volant au niveau de la direction, la rotation du véhicule par rapport à l'axe vertical et l'accélération transversale. Des capteurs vérifient et analysent si la trajectoire réelle suivie par le véhicule est bien celle souhaitée par le conducteur. Donc, si une situation anormale se produit, la trajectoire peut être corrigée par un freinage ciblé sur la roue adéquate. L'ESP corrige bien la trajectoire en cas de perte d'adhérence. Attention, il y a un côté pervers au tout électronique. Les conducteurs ont le sentiment de conduire un véhicule qui les sauvera de toute situation bancale, alors que passé certaines limites, ces accessoires de sécurité ne peuvent plus rien. La meilleure des sécurités est dans votre boîte crânienne. Réponse A.